الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها الإخوة الكرام فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى يكون في يعني هي بداية في لبعض الدروس أو يعني بعض الدروس والوقفات في العقيدة الإسلامية إن شاء الله notre rencontre aujourd'hui a pour objet de s'arrêter ou de Inch'Allah, de débuter une série de cours sur la aqidah et la croyance du musulman. Et cette croyance, ayyuha l'ikhwa, hafadhakumullah wa ra'akum, se base principalement sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel il envoya tous les messagers. Pour lequel il envoya tous les messagers et il révéla les livres et pour lequel la création a été divisée. D'un côté, il y a eu les gens qui ont été destinés au bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà, et de l'autre côté, ceux qui ont été destinés au malheur et au désarroi en ce bas monde et dans l'au-delà. فأساس هذه العقيدة هو التوحيد الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وانقسمت الخليقة إلى طائفتين طائفة أهل التوحيد وهم أهل السعادة وهم أهل السعادة وطائفة أهل الشرك والتنديد وهم أهل الشقاوة في الدنيا والآخرة نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل التوحيد وأهل السعادة في الدارين فإن شاء الله donc pour cette raison on va tout d'abord s'arrêter pour parler justement de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala puis à la suite de ça on va débuter un livre qui sera une référence pour chacun d'entre vous et que vous allez avoir le livre et on inchallah on lira ce livre là ensemble en essayant de citer un modeste commentaire tiré des paroles des gens de science sur le sujet. Pour le moment, inchallah, nous sommes en train de lire dans les sanaq ramin kitab ismuhu kitab kitab li cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qarni hafidhahullah ismuhu Anwar al-Rahman fi isqat al-ahkam. Donc nous allons lire dans un livre qui est de Cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qarni qui dont le titre est Anwar al-Rahman fi isqat al-ahkam. Premièrement, pourquoi nous allons débuter par ce livre-là? Parce que ce qui va suivre, Inch'Allah, est telle une introduction à ce qui va suivre et ce que nous allons citer aujourd'hui, est telle une introduction à ce qui va venir par après, Inch'Allah. Parce que dans ce point-là, dans ce qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah, aujourd'hui, les cours qui vont suivre dans cette introduction, on va voir l'importance déjà de la ilaha illallah, l'importance de connaître cette parole-là et de la mettre en pratique, et avant tout, de savoir le sens et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. De savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inshallah sanaqra min hadha al-kitab li min ajl ma'rifat ahammiyat at-tawhid wa limadha yanbaghi lil-'abd aw yanbaghi 'ala al-'abd ay yuhaqqiq hadha at-tawhid wa ma hiya an-nata'ij aw ath-thamarat allati تنتج ويعني تترتب على تحقيق التوحيد وما معنى الإله ومن أين يشتق هذا الاسم العظيم وما معناه ويعني الثمرات التي يحققها العبد إذا علم حقا إذا عرف حق المعرفة يعني كلمة الله سبحانه وتعالى وعرف حق المعرفة الله سبحانه وتعالى ربه فقال الشيخ donc le cheikh dit à la page 28 du livre il dit أولا تحقيق التوحيد premièrement la réalisation et réaliser le tawhid أصل معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يستحق الألوهية إلا الله وحده il dit donc le sens et la base le fondement du sens de la du témoignage de la ilaha illallah est que nul ne mérite al-uluhiyya d'être divinisé qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être divinisé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va venir au sens de cette action de diviniser. Que veut dire diviniser ? معنى الألوهية سنعرض له إن شاء الله تعالى في بقية كلام الشيخ حفظه الله. وعلى هذا فليس لفظ إله صفة ذات لله تعالى كصفة الخالق والرازق والرب مثلا وإنما هو لبيان استحقاق الله للألوهية التي هي حقيقة العبودية. Donc le chef dit par conséquent, le terme ilah, parce que Allah, ça vient de quoi ? Ça vient de al-ilah, la divinité, la seule véritable divinité. Donc que veut dire ilah ? Il dit par conséquent, le terme ilah n'est pas une sifatu dhat, c'est-à-dire, ce n'est pas un attribut que l'on doit reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala par le simple fait de l'y croire. On croit qu'Allah est le créateur. نؤمن بأن الله هو الخالق. طيب كيف تؤمن بأن الله هو الخالق؟ بأن تعتقد أن الخالق هو خالق الكون من هو الله تبارك وتعالى وخالق الأشياء هو الله تبارك وتعالى. فهذه صفة ذات. Donc comment tu vas être convaincu qu'Allah سبحانه وتعالى est le créateur? Comment tu vas croire au fait qu'Allah سبحانه وتعالى soit le créateur? C'est en étant convaincu qu'il est le seul créateur de toute chose et que la création dans sa perfection n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme ilah, il est différent du terme khaliq par exemple. Car le terme ilah n'est pas une sifatu dhat qui appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala comme les attributs de créateur, khaliq et al-raziq, le Seigneur par exemple. Mais ce terme a pour objectif de montrer le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à être divinisé. Al-uluhiyya. Ilah signifie ma'lou. Donc quand tu entends ilah, le Dieu, tout de suite il y a une action qui t'est demandée de ta part. Mais quand tu entends le créateur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est demandé de ta part, hormis le fait de croire qu'il est le créateur? Non. Mais quand tu entends ilah, forcément, c'est parce que les créatures l'ont divinisé. Donc si tu crois qu'Allah est le ilah, c'est que forcément tu dois agir. Mais ce terme a pour objectif de montrer le droit exclusif d'Allah à être divinisé. Ce droit exclusif, هذا الاستحقاق وهذا الحق المحض لله عز وجل في العبودية يسمى الألوهية. يسمى الألوهية. On appelle ça comment ? الألوهية. Cette ألوهية, c'est-à-dire ce droit exclusif d'être adoré, qui représente la réalité de la ibada, de l'adoration. طيب. Donc cette ألوهية, c'est ce droit exclusif d'être divinisé. Il représente quoi ? Le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être adoré. C'est pourquoi dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous trouvons wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ma ma'na wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ay wa huwa alladhi fis sama'i ma'luhun ma'budun wa fil ardi ma'luhun ma'bud. Ay fis sama'i هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يعبد وحده وفي الأرض هو الذي يستحق العبادة وحده لا غيره. Et c'est lui, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset nous trouvons dans le livre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est lui qui est au ciel un ilah et sur terre il est un ilah, c'est-à-dire qu'il est ma'lou, divinisé, ma'boud, adoré au ciel et sur terre, c'est-à-dire qu'il est divinisé et adoré au ciel et sur terre. Qatada rahimahullah ta'ala, qui était l'un des exégètes du Coran, ahadul mufassir du Coran, voilà, il dit, il est adoré au ciel et sur terre. Wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Il est celui qui est au ciel un ilah et sur terre un ilah. Il dit, c'est-à-dire qu'il est adoré au ciel et qu'il est adoré sur terre. ولهذا جاء في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما في سورة الزخرف الآية 84 أي هو مألوه معبود فيهما أي في السماء وفي الأرض قال قتادة رحمه الله ورضي الله عنه ذكر الإمام النووي أنه لا حرج في التردي على الصحابة رضي الله عنه على غير الصحابة حتى التابعين Donc l'imam Nawawi rahimahullah, il a cité un point qui est, il n'y a pas de mal à dire radiyallahu anhu, même pour les tabi'in, même pour un savant. Quand c'est une dua. Amma idha kana khabaran, fala yajuzu illa fi haqqi as-sahabati al-kiram radiyallahu anhum. Amma in kana min bab al-khabar, fala yastahiquhu illa as-sahaba. Amma in kana fa in kana min bab al-du'a, fayajuzu fi as-sahaba wa fi ghayrihim. Donc par rapport au fait de dire radiyallahu anhum sur autre que les sahaba, si c'est une information que tu donnes, c'est-à-dire qu'Allah est satisfait de lui, ce n'est valable que pour qui? Que pour les sahaba radiyallahu anhum. Allah dit quoi? Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc ça c'est valable que pour les sahaba. Mais si c'est une dua que tu fais, tu as le droit de faire pour les sahaba, tu as le droit de le faire pour autre que les sahaba. D'accord. Et ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وذكر أن هذا الموقف هو هذا يعني هذا المذهب مذهب جماهير أهل العلم. Il a aussi évoqué que ce point-là, cet avis-là, est l'avis de la grande majorité des savants. Et que rien n'interdit de dire radiyallahu anhu pour autre que les sahaba. Donc Qatada, qui était l'un des successeurs du tabi'i, Ahad al-Tabi'in, Inch'Allah wa sallukum, man huwa al-Tabi'i? C'est une question, qui est le tabi'i? الذين أتوا بعد الصحابة الجيل بعد الصحابة تابعين بأحسن إلى يوم الدين تفضل إن شاء الله. C'est quelqu'un d'autre qui a une autre réponse. تعريف التابع. طيب تعريف الصحابي. La définition d'un صحابي c'est quoi? صحاب الرسول الله عليه الصلاة والسلام والذين عصوا أبو جهل صاحبه الذين رأوه ابن من مكتوم كان أعمى. لا صح التعريف لابد يكون دقيقا. هذا لذلك يعني هو يعني من هو الصحابي الذين عايش الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أبو لهب وأبو جهل طيب يعني آمنوا به فقط نصروه. طيب بعضهم ارتد صدقوه La ummat wa al-iman. Tarif, donc la définition du sahabi, tarif sahabi, man iltaqa bil nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata man iltaqa bil nabi sallallahu alayhi wa sallam aw man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-iman. Ou comme qala ahlul ilm. Donc la définition d'un sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on dit pas voir? Parce qu'il y a des sahabas qui étaient aveugles, comme Ibn Ummi Maktoum qui faisait l'adhan. Il était aveugle, il n'a jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de dire celui qui a vu le prophète, c'est pas précis. C'est celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Aou man ijtama'a bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas forcément il l'a rencontré d'une rencontre spécifique. Le nombre des sahabas qui étaient à Hijjat al-Wada', ils étaient combien? C'était des dizaines de milliers. D'accord? C'est des sahabas. Mais est-ce qu'ils ont tous rencontré le prophète sans seul de c'est-à-dire une rencontre spécifique? Non. Enfin, c'est celui qui a été réuni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en ayant foi en lui et qui est mort sur cette foi. Hada huwa ta'rif as-sahabi radiyallahu anhu. Ta'rif at-tabi'i, la définition d'un tabi'i c'est qui? C'est la même chose. Man iltaqa bi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني مسلم مؤمنا مسلما ومات على الإيمان. Celui qui a rencontré les Sahaba en ayant la foi et qui est mort sur l'Iman. Il y a une chose qui est dit souvent, on entend Al-Khadrami. C'est qui Al-Khadrami? Al-Khadrami هو celui qui a vécu. Enfin, pas Al-Khadrami. Il y a une nukta souvent qui est citée. Il y a un tabi'i qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. Non, il y a un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. C'est là que je vous laisser la cogiter un peu. Il y a un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. Si c'est possible, c'est un peu compliqué. Ça va être sahabi. Ahad al-sahaba dakhal al-islam ala yad al-tabi'i. Le père et le fils. Là, abadan. A'taytukum at-ta'rifain. Antum yani fakkirun inshallah. Je vous ai donné deux définitions, donc c'est à vous de réfléchir après. Le sahabi, celui qui a rencontré le prophète sans seulement ayant la foi en ayant foi au prophète et qui est mort croyant. Le tabi'i, c'est celui qui a rencontré un sahabi en ayant foi au prophète sans seulement mais qui est mort croyant. Ben, il y a un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais une autre ville. D'un tabi'i. Non, non, ici. Ah. C'est-à-dire à l'époque du. Ça s'est passé à l'école, je dis rien. Il y a un tabi'i qui rentre en islam à l'époque du Sahab. Il y a un tabi'i qui est rentré, un sahabi qui est rentré dans l'islam par le biais d'un tabi'i. Réfléchissez, Inch'Allah, quoi qu'il en soit, on continue. Le Qatada radiallahu anhu, il dit sur le verset, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, et c'est lui qui était au ciel, qui est au ciel, un ilah, et qui sur terre est un ilah, قَالَ يُعْبَدُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ يُعْبَدُ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est adoré au ciel et sur terre, voire Fathul Qadir de l'imam al-Shawkani rahimahullah. ويدل لذلك أعني أن الإله ليس وصف ذات وإنما هو وصف استحقاق إجماع أهل اللغة على أن إله على أن إله بمعنى مألوه فهو بمعنى اسم المفعول فهو بمعنى اسم المفعول. يقول الزجاجي إله فعال بمعنى مفعول وكأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه. إله فعال, إله على وزن فعال بمعنى مفعول كأنه مألوه أي معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه. Donc ce qui vient confirmer ce qui a précédé, à savoir que إله n'est pas un wasf that. On a expliqué qu'est-ce qu'une caractéristique liée à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la création. Ce qui vient confirmer ce qui a précédé, à savoir que ilah n'est pas un wasf that, c'est-à-dire un attribut lié à l'essence d'Allah, mais un wasf istihqaq, c'est-à-dire une caractéristique qui montre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite, nous avons le consensus des savants de la langue arabe. Le consensus des savants de la langue arabe que ilah signifie ma'lou, que ilah, le dieu, signifie celui qui est divinisé. Sa signification est donc basée sur le participe passif ismul maf'oul. La signification de ilah, on va bien la comprendre, elle est construite, ce terme là ilah est construit sur la forme du participe passif. Son sens est un participe passif, c'est-à-dire à la Kulihal, ça c'est un peu de la grammaire, mais on va passer, Inch'Allah, pour pas trop compliquer les choses. L'un des savants de la langue arabe, qui est Zajaji, rahimahullah, disait, ilahun est sur la construction de fi'al. Vous savez, dans la langue arabe, tout est basé sur fa'ala. C'est les constructions, je parle, hein. Les constructions des termes. Fa'ala, on a fa'ala, maf'oul, fa'il, et ainsi de suite. Donc on a toujours la racine fa'ala, et pour savoir la construction linguistique d'un terme, on revient toujours à cette racine-là. Donc il a quelle construction? Fi'al. Parce qu'à la base c'est a la a. Ici on a ila. Donc si on vient à le transposer sur fa'ala, on aura fi'al. D'accord. Lorsqu'on a une construction comme ça, comme fi'al, elle a quoi comme signification? Elle a comme signification maf'oul. D'accord. Donc ilah est sur la construction de fi'al au sens de maf'oul. Comme si nous disions ma'lou. Ilah signifierait alors ma'lou, c'est-à-dire ma'boud. C'est-à-dire ma'boud. Ma'lou, ça veut dire être divinisé. Ma'boud, ça veut dire être adoré. Adoré au sens où il mérite l'adoration. Les créatures l'adorent et le divinisent. Pourquoi, comment sait-on que quelqu'un, il a reconnu qu'Allah était son Dieu? Comment on le sait? Comment on sait que quelqu'un a reconnu qu'Allah était son ilah? C'est quand il l'adore. Mais si quelqu'un n'adore pas Allah, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris Allah comme Dieu? Non. Parce que ilah n'est pas un wasf that, n'est pas une caractéristique liée en permanence à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, à laquelle on croit par le simple fait de savoir. C'est pas comme ça. Comment sait-on que quelqu'un a reconnu qu'Allah est son créateur? Le chrétien, par exemple. En dehors du... oublions le chrétien. Imaginez le chiite aujourd'hui, Ar-Rafidi. Bien que, malheureusement, même les Ar-Rafidi aujourd'hui, ils pensent qu'autre qu'Allah peut créer. Trouvons un groupe de soufis. Parce que malheureusement, le shirk, même dans le Rububiyya, il est rentré dans la Umma. Même le fait de créer, ils pensent qu'autre qu'Allah, Ali ibn Abi Talib, il a le pouvoir de créer, que le Hussein a le pouvoir de créer, que Fatima a le pouvoir de créer. C'est quelque chose d'étonnant. Mais imaginez qu'on a un groupe de la commune qui s'affilie à l'islam, qui reconnaît qu'Allah est le seul créateur. Mais à la suite de ça, ils reconnaissent que le pouvoir de législation et le pouvoir de décider le halal et le haram, il appartient à qui ? À la nation. D'accord. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont reconnu qu'Allah était le seul créateur ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas associé Allah dans ça. Ils savent que le seul qui crée, c'est qui ? C'est Allah. Mais le seul qui a le droit de permettre et d'interdire, c'est qui ? Allah. Allah. Allah, Azza wa Jalla, dit quoi ? Ala lahul khalqu wal amr. Ay al amr wal nahy. Al tahlil wal tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, n'est-ce pas lui seul qui appartient à la création et le commandement ? C'est quoi le commandement ? C'est l'ordre et l'interdiction, la permission et la prohibition. Le seul qui a le droit de permettre et d'interdire, c'est qui ? C'est Allah. Le seul qui a le droit de décider ce qui est halal et haram, c'est qui ? C'est Allah. Imaginez donc des gens, et grand nombre sont ces gens-là aujourd'hui, les laïcs, les démocrates. Ces gens-là, ils reconnaissent que le seul créateur, c'est qui ? Allah. Mais celui qui décide du halal et du haram, c'est qui ? C'est le Shah, la nation, le parlement, la majorité parlementaire. C'est elle qui décide du halal et du haram. Ce que la majorité parlementaire décide ne peut jamais être remis en question. Ça ne peut pas être remis en question. Le seul qui peut la remettre en question, c'est qui ? C'est une nouvelle majorité parlementaire. Donc, chez ces personnes-là, celui qui a le droit de commandement, c'est qui ? C'est cette majorité parlementaire, c'est le parlement. Et c'est ce qu'on appelle la suprématie de la nation. Donc ces gens-là, ils ont reconnu qu'Allah il était leur seul créateur, d'accord ? Mais est-ce qu'ils ont reconnu qu'Allah était leur seul Dieu ? Leur seul Ilah ? Non. Parce qu'ils se sont soumis et ils ont divinisé autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la création, tu la reconnais comment à Allah subhanahu wa ta'ala ? Par le fait d'y croire. Mais reconnaître qu'Allah est le seul qui mérite le commandement. Et reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Dieu, le seul qui mérite qu'on se soumette à lui. Parce qu'on va voir que veut dire ça adorer et diviniser. Ça, c'est des choses qui sont ignorées aujourd'hui, malheureusement. Les gens n'en parlent pas. On te dit Allah est le seul Dieu, mais on ne sait même pas ça veut dire quoi un Dieu. Un ilah, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Adorer l'ibadah, on ne sait même pas ce que ça veut dire concrètement. Diviniser, at-ta'lim, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc il est normal que par après, les gens ne conçoivent pas certaines formes de shirk aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que l'adoration. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc ici, ces gens-là qui reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, mais ils ne reconnaissent pas Allah son pouvoir de permettre et d'interdire. Bien plus, ils le reconnaissent à Allah, mais dans certains domaines simplement. Ce qu'on appelle le code civil, c'est-à-dire le mariage, le divorce, mais le commerce, non, surtout pas. Le commerce, c'est pas Allah qui décide. Ils ne vont pas te dire comme ça, c'est pas Allah qui décide. Ils vont te dire, non, mais oh, on ne va pas revenir à l'ère il y a quelques siècles. Non, aujourd'hui, on a évolué, c'est la nation qui décide. Comme a dit l'un d'entre eux, malheureusement, Wallah, il y a une moussiba. Et là, la question a été posée sur Ila. لماذا يكون رأيكم أو موقفكم إذا اختار الشعب الفلسطيني حكما غير حكم الإسلام أو نظاما أو حزبا غير حزب الإسلام قال أقدس إرادة الشعب L'un d'entre eux, la question lui a été posée, que dirais-tu si le peuple palestinien venait à choisir un autre système que le système islamique? Que dirais-tu? Quelle serait la position de... C'est l'un des fondateurs de Hamas qui a dit ça. Il a dit, je vénère la volonté du peuple. Quel que soit son choix, je vénère la volonté du peuple. C'est le peuple qui décide. À ce moment-là, on fait du peuple quoi? Le peuple, la nation, en tant qu'entité ici, devient une source de législation et de permission et d'interdiction. Ce qui est l'une des formes de shirk les plus manifestes aujourd'hui et à laquelle les gens ne prêtent même pas attention. D'où l'importance de revenir et de comprendre le sens de Allah, le sens de diviniser, le sens de l'ibad, pour comprendre ce que est le tawhid et ce qu'est le shirk. Parce que comment tu peux distinguer entre le tawhid et le shirk alors que tu ne sais pas faire bien? Comment tu peux distinguer entre le muwahhid et le mushrik alors que tu ne peux pas faire la différence entre le tawhid et le shirk? Et comment peux-tu distinguer entre ton ami et ton ennemi alors que là, tu ne sais pas faire la différence entre la base de l'alliance, aslul wala ou aslul bara? La base de l'alliance qui est le tawhid et la base du désaveu qui est quoi? Qui est le shirk. D'où l'importance de revenir aux bases. C'est pour ça que l'idée est walidhalika yaqulu al-fuqaha ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ce sans quoi l'obligation ne peut être complétée devient obligatoire. Wa yaquluna kadhalik al-hukmu 'ala al-shay' mabniyun aw الحكم على الشيء يتفرع أو مبني على تصوره أو كما قالوا statue d'une chose découle de sa bonne conception de sa conception. Si tu as une mauvaise conception d'une chose, forcément tu vas mal statuer de cette chose-là. Mais si tu as une bonne conception de la chose, forcément tu vas bien statuer de la chose. Et c'est pour ça que le fuqaha, entre autres, Ibn Qayyim rahimahullah dans I'lam al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, il cite que l'une des conditions de fatwa, c'est quoi ? C'est de connaître ce qui t'entoure, la réalité des choses. Si tu connais le Qur'an et la Sunna, mais tu ne sais pas concrètement qu'est-ce qui se passe, et tu ne sais pas la situation exacte d'une d'un cas donné, comment tu peux statuer correctement dedans vis-à-vis de cette chose-là? C'est impossible. Donc d'où l'importance de bien concevoir les choses, d'avoir une connaissance de Shara qui est correcte. Et yakuna ilmuka bi Shara sahihan muwafiqan li kitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yakuna ilmuka bil waqi' sahihan kadhalik. فإذا اختل أحد الركنين اختلت الفتوى. Si jamais l'un de ces deux piliers vient à être manquant et défectueux, forcément la fatwa et la vie juridique qui va en découler va être défectueux. Donc, je pense qu'on a compris, inshallah, que l'action ilah signifie al-ma'lour, ay al-ma'boud. Et cette parole n'est pas la nôtre, comme vous voyez, a'immatullour al-arabiyya. C'est les imams de la langue arabe qui déterminent ces choses-là. Puis le cheikh, ثم يقول الشيخ حفظه الله ويقول الجو ويقول الجوهري رحمه الله في معنى كلمة في معنى كلمة الله وأصله إله على فعال أي على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود كقولنا إمام فعال أي على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به لأنه مؤتم به انظر الصحاح يعني مادة أليها دوك الإمام الجو يعني لماذا يقال يعني إمام على وزن فعال لماذا يسمي الإمام إماما لأنه مؤتم به لأنه مؤتم به فهو مفعول به ولذلك سمي إمام لأنه مؤتم به فهو على وزن فعال. Donc, l'imam Jawhari aussi dans un livre qui s'appelle As-Sihah, qui est l'une des références de la langue arabe, il dit au sujet du terme Allah, son origine est ilah. Son origine est ilah. Sur la construction de fi'al, au sens de maf'oul. Au sens de maf'oul. C'est-à-dire maf'oul, le participe passif. On ne va pas dire il subit une action, mais il y a une action qui vient d'une tierce personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une action qui vient d'une tierce personne vers Allah. C'est quoi cette action qui vient de cette tierce personne vers Allah? C'est at-ta'lih ou l'ibadah, c'est l'adoration. D'accord? Car il est ma'louhun. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, sur la construction de fi'al, est au sens de maf'oul? Car il est ma'louh, car Allah est divinisé, c'est-à-dire adoré. Cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam, l'imam d'une mosquée, ou l'imam d'un état islamique. Cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam, qui est sur la construction de fi'al. On a dit bien sûr que toujours on a la construction fa'ala. Fa'ala, on a ces fa'ala, lorsqu'on regarde imam, il est sur la construction de quoi? De fi'al. Donc, cette construction linguistique est significative et semblable à celle de imam sur la construction de fi'al au sens de maf'oul, c'est-à-dire qu'il est suivi l'imam. C'est pour ça qu'on l'appelle imam. Car l'imam est pris comme modèle dans la salat. Car l'imam est pris comme modèle dans la salat et c'est pour ça qu'on l'appelle imam. Parce qu'il est suivi. Il y a une action des gens vis-à-vis de lui. Du fait qu'il y a une action des gens vis-à-vis de lui, on l'appelle comment? Imam. Il est sur la construction de fi'al comme ilah, il est sur la construction comme ilah, il est sur la construction de fi'al au sens de ma'lou où il est divinisé de la part des créatures. Voir as-sihah, la racine aliha. Donc ça c'est des choses, c'est des définitions linguistiques qui peuvent paraître lourdes, certaines fois on peut ne pas forcément saisir la portée, mais c'est très très important dans l'argumentation. Car ni moi ni personne d'autre ne peut se permettre de venir et vous dire tel terme a telle signification sans vous ramener les preuves. Il y a des savants qui ont œuvré pour cette religion. Ils ont laissé un vestige, des vestiges derrière eux, ils ont laissé des traces, ils ont travaillé, et nous, on ne doit pas venir aujourd'hui définir les choses comme bon nous semble. Il y a eu des travaux qui ont été faits, c'est à nous de revenir vers ces travaux-là et de savoir qu'est-ce qui a été dit auparavant. Donc d'où l'importance, lorsqu'on affirme une chose, de la prouver. Lorsqu'on affirme une chose, de la prouver. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dis, amenez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc on a affirmé une chose, le shaykh a affirmé une chose au départ, qui est que « il est le Dieu » signifie « celui qui est divinisé, adoré ». Donc, à la suite de ça, il le prouve. Il a cité le consensus des savants de la langue arabe. Et donc, pour montrer la véracité de ce qu'il a dit, il a cité ces deux imams, et on va se contenter, inshallah, de ces deux imams sans aller plus loin. وَأَمَّا الْأُلُوهِيَّةُ الَّتِي جَاءَتْ هَذِي الْكَلِمَةُ لِإِثْبَاتِ اسْتِحْقَاقِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَهَا فَهِيَ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَيْضًا فَزَعُ الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ وَسُكُونُهُ إِلَيْهِ وَاتِّجَاهُهُ إِلَيْهِ لِمَاذَا لِشِدَّةِ مَحَبَّتِهِ لَهُ وَافْتِقَارِهِ إِلَيْهِ وَافْتِقَارِهِ إِلَيْهِ فَمِنْ أَجْلِ شِدَّةِ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ وَافْتِقَارِهِ وَشِدَّةِ افْتِقَارِهِ لِرَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا فَإِنَّهُ يَفْزَعُ قَلْبُهُ أَوْ يَفْزَعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفَزَعُ الْجَوَارِحِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَنْشَأُ إِلَّا مِنْ فَزَعِ الْقَلْبِ إِلَى اللَّهِ إِذِ الْجَوَارِحُ تَدُلُّ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ فَهُنَاكَ يعني علاقة دائمة يعني علاقة بين الظاهر وبين الباطن هناك علاقة بين الظاهر وبين الباطن فإذا فزع القلب إلى الله سبحانه وتعالى إلا يكون الإنسان مكرها فلا بد أن تفزع الجوارح إلى الله فإن لم تفزع الجوارح إلى الله دل ذلك على أن القلب لم يفزع إلى الله فمن لم يستسلم لحكم الله عز وجل ولم يستسلم لشرع الله عز وجل فإنه لن يستسلم قلبه لشرع الله ولا لحكم الله ولم يستسلم لله عز وجل ومن لم يعبد الله ظاهرا لم يعبد الله باطنا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الإرجاء يهود هذه القبلة كما سماهم سعيد بن جبير رضي الله عنه سئل عن المرجئة في زمانه وكانوا أقل أو أخف ضررا على الأمة من مرجئة اليوم فقال هم يهود هذه القبلة سماهم يهود هذه القبلة فما بالكم بمرجئة هذا العصر طيب فالإنسان من أجل أو المسلم المؤمن من أجل هذه المحبة التي استقرت في قلبه وشدتها وافتقاره إلى الله عز وجل يفزع قلبه إلى الله عز وجل ويسكن إلى ذكر الله ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى وهذه حقيقة الألوهية وبهذه الألوهية وبهذه العبودية يتحقق للعبد السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالحياة الطيبة في الدنيا تنشأ من عبوديتك واستسلامك وانقيادك وقبولك لأمر الله عز وجل أما الشقاوة فتنشأ من ماذا؟ من إعراض العبد عن ربه تبارك وتعالى ومن إعراض العبد عن شرع الله سبحانه وتعالى ورفضه لحكم الله تبارك وتعالى سواء كان حكمه الكوني أو حكمه الشرعي نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الإيمان وأهل السعادة ويعيذنا أن نكون من أهل الشقاوة في الدارين Donc quant à la ulouhiyya, cette action de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah, quant à la ulouhiyya que le terme ilah a pour objectif d'affirmer, c'est-à-dire ilah nous montre qu'on doit diviniser Allah subhanahu wa ta'ala. Si on reconnaît qu'Allah est notre ilah, notre Dieu, on doit forcément le diviniser. Vous voyez bien les termes, Dieu divinisé. Cette ulouhiyya, quel est son sens? Cette action de diviniser Allah, quel est son sens? Quant à la ulouhiyya que le terme ilah a pour objectif d'affirmer, nous pouvons la résumer en réunissant tous les avis, en réunissant les avis des savants de la langue arabe, on en vient à une conclusion. Que signifie le fait de diviniser Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah? C'est ce qui suit. Que le cœur fuit, se réfugie et cherche secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il se fie et s'en remette intérieurement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le cœur s'oriente vers Allah seul. Pourquoi tout ça? Du fait de l'amour intense et le besoin énorme que le serviteur a de son Seigneur. Cet amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, il naît à partir de quoi? Il naît comment cet amour? De ta connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, et plus forcément tu vas l'aimer. Si tu aimes les belles choses dans la vie, elle vient d'où cette beauté? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes les choses qui sont parfaites, tu aimes toujours parfaire ton travail, et tu apprécies beaucoup la perfection dans les choses. La perfection, elle vient d'où? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu médites bien dans ce monde, l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Samad, ay al-Maqsoud. As-Samad, ay al-Maqsoud. Wa ma dhukira min at-tafasir ghayra al-Maqsoud, fa innahu min babi ikhtilaf at-tanawwu', la ikhtilaf at-tadad. Donc les autres définitions qui ont été données du terme As-Samad dans le tafsir de Sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad, c'est des fois un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être expliqué ou commenté, ou d'autres choses peuvent être commandées dans le livre d'Allah. Et comme il dit Ibn Taymiyyah dans Muqaddimat al-Tafsir, dans son introduction à Ilm al-Tafsir, il dit la plupart des exégèses du tafsir du Coran qu'on trouve chez les anciens, les sahaba, les tabi'in, ils rentraient dans le cadre de ce qui est nommé Ikhtilaf al-Tanawwu'. C'est-à-dire que chacun va donner une partie du sens du verset. Chacun va donner une partie du sens de ces versets, de ce verset. Donc, tant qu'il n'y a pas de contradiction entre tous ces sens-là, on doit réunir le tout. Et ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle Ikhtilaf al-Tadad. Ikhtilaf al-Tadad, qu'est-ce que c'est? C'est une divergence. C'est que, par exemple, deux savants ou deux mufassirin expliquent un même verset ou un terme dans le verset par deux significations qui sont complètement contradictoires. Je vous donne un exemple. Al-Qur, Allah subhanahu wa ta'ala dit والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فاختلف المفسرون فبعضهم قالوا ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهر وبعضهم قالوا ثلاثة قروء أي ثلاثة حيام. طيب. Donc il y a eu une divergence entre les savants sur l'explication du verset, et les femmes divorcées doivent attendre, c'est-à-dire la période de Idda, pendant 3 qurou. Certains ont dit le qurou ici, qu'est-ce que c'est? C'est 3 périodes de menstrues. Et d'autres, ils ont dit c'est 3 périodes de purification. Et il n'y a pas d'autre qu'il y ait une contradiction ici, au sens où la purification, l'état de pureté, ce n'est pas le début des menstrues. C'est pas pareil. Quand on va compter, on n'aura pas la même période à la fin. Donc ici, on est obligé de venir et de chercher al-murajjih. Qu'est-ce qui vient faire prévaloir un avis sur l'autre? Donc là, cette divergence-là, forcément, il y a une seule vérité dessus. Parce que la vérité est une, elle n'est pas multiple. Al-haqq la yatanawwa'. Al-haqq la yata'addad. Al-haqq wa'id. Donc là, à ce moment-là, il y a forcément, on doit chercher une preuve externe, à travers la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, qui va nous montrer qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce verset. Est-ce que c'est 3 périodes de menstrues, 3 périodes de pureté? Mais maintenant, donc dans ce cas de figure, là on va chercher ce qui va faire prévaloir un avis plus que l'autre. Mais dans d'autres cas de figure, lorsque plusieurs explications ne se contredisent pas, bah on donne au verset toutes ces explications-là. D'accord? On donne au verset toutes ces explications-là. Par exemple, une brève parenthèse, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan, qila intisaran. انتصارا وقيل فرقانا بين الحق والباطل وقيل غير ذلك. Donc vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, si vous vous préservez du châtiment d'Allah, vous faites ce qu'Allah vous a demandé, vous éloignez de ce qu'Allah interdit, vous contentez du peu qu'Allah vous a donné et vous vous préparez au jour dernier, Allah vous accordera un furqan. Et ici le furqan, il y a eu plusieurs explications qui ont été données. Certains, ils ont dit Allah va vous accorder la victoire sur vos ennemis, ton ennemi intérieur, qui est ton nafs, qui t'appelle à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes ennemis extérieurs, les koufars, autres, les gens qui veulent te détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, les munafiqin, Allah te donnera la victoire sur eux. Et même s'ils te font du mal, iyadurukum illa adha. S'ils ne vous nuiront que ce sera un léger mal. C'est-à-dire, ça sera pas quelque chose qui va te détruire ta religion. Parce que le véritable méfait, c'est quoi? C'est ce qui vient remettre en cause ta foi. Et là, c'est la perdition. Dans ce monde et dans l'au-delà. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a entendu un homme qui dit, Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan. Qala la taqul hadha. Fa inna kulla bani adam wa kulla muslimin maftun. Aw sayt'arad 'alayhi al-fitan. Wa inna ma qul Allahumma inni a'udhu bika min mudillati al-fitan. Min mudillati al-fitan. Donc Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, avait un homme qui a dit, Ya Allah, je te demande protection contre les fitnas. Et il lui a dit, ne dis pas ça, car tout le monde fera face à des fitnas. Mais dis, Ya Allah, je te demande protection contre les fitnas qui vont me détourner, qui vont m'égarer. Donc la véritable fitna, c'est quoi? C'est celle qui va te dévier du tawhid au shirk, ou de la sunna à la bid'a, ou de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à la perfection qu'Allah nous en préserve. Donc, tant que ton dîn est préservé, c'est le plus important. Tant que ton dîn est préservé, c'est le plus important. Donc tout ça pour dire quoi? Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, Ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Vous qui avez cru, si vous craignez Allah, Allah vous accordera un furqan. Dans l'explication du furqan, il y a eu comme explication donc la victoire. Il y a eu aussi un moyen de discernement entre le vrai et le faux, entre ton ennemi et ton ennemi. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Entre ton ami et ton ennemi, l'instinct. Il y a un hadith, il y a une divergence sur son authenticité, il a été rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru binurillah » Prenez garde à l'instinct du croyant car il observe les choses par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est l'une des plus grandes choses qu'Allah puisse t'accorder. Certains salafs disaient « Remplis ton intérieur du sentiment permanent qu'Allah te surveille bi muraqabatillahi azza wa jalla » عمر باطنك أو حاول يعني أن تراقب الله عز وجل مهما استطعت يعني بقدر استطاعتك. Donc remplis ton intérieur du sentiment permanent qu'Allah te surveille. Mange du halal. Suis la sunna en apparence. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ce que tu peux. Et inshaAllah, sois véridique dans tes propos aussi. Et inshaAllah, ton instinct ne se trompera que rarement. Et l'imam Shafi a été connu pour ça, pour l'instinct. Allah lui avait donné un instinct, et c'est rare qu'il se trompait. Une fois, il avait été invité par une personne à manger. Et l'imam Shafi, il sentait que cette personne, ça allait pas trop. Donc il se disait, bon, je vais aller. Et il a été jusque chez lui, l'autre il a donné à manger. Bon, l'imam Shafi, il se disait, aujourd'hui tu t'es trompé. Donc t'as eu faux sur ce que tu disais, ton instinct il s'est trompé. Puis donc il mange chez cette personne et tout, donc il vient pour partir, il monte sur sa monture, l'autre il lui dit, al-ujra ya imam. Le salaire, il y a une donner le salaire de ce que tu as mangé. Donc ça, c'est juste pour dire une chose, c'est que l'imam Shafi'i était connu pour le firasa. Et le firasa, c'est une chose que c'est une des récompenses qu'Allah te donne si tu le crains. Comme c'est l'une des récompenses aussi du fait de baisser son regard devant les interdits. L'une des plus grandes récompenses, min a'zam yani min a'zam ma yu'tika Allah 'azza wa jalla 'iwadan 'an raddika li basarika amam al-maharim Allah ta'ala. أنه يرزقك الفراسة فراسة صادقة إن شاء الله.